I'm pain, pain, pain. It's alive! Voici une question pour vous. Qu'est-ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais médecin? Est-ce dans sa façon de recevoir son patient, de l'écoute qu'il a envers lui, de bien analyser le problème énoncé et d'adopter pour un traitement plutôt qu'un autre selon ce qui semble plus approprié? Ou bien encore d'avoir beaucoup d'empathie, d'user de réconfort et d'encouragement allant jusqu'à prendre de ses nouvelles en cours de traitement? Eh bien, la réponse est simple. Le bon médecin, c'est celui qui soulagera son patient de tous ses maux qu'il a et de toutes les et de voir à tous les éliminer en même temps. Et cela, moi, je sais comment le faire. Lors de l'embaumement, tout est réglé. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin. Surtout lorsqu'il vous lui demanderez ceci. « Docteur, vais-je m'en sortir? » Et lui de répondre, sortir, oui, vous allez certainement sortir. Mais pas de la même façon dont vous êtes entré, mon ami. Du moins, pas dans la même position. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is my fucking business. We are Undead Incorporated. Cause I, Pendragon, said so. Tel qu'annoncé, spécial All-American Band. Go.

Well, je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation, en ce 10 octobre de l'an de disgrâce 2017. Je suis le Dr. Pain Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement jusqu'à 21h. Oui, tel qu'annoncé la semaine dernière et en présentation d'émission, c'est un spécial All American Bands que je vous présente ce soir, donc uniquement des groupes métal ou métaux qui sont issus des États-Unis d'Amérique. On va se promener entre les années 80 et les années 2017 finalement, donc on va faire un petit voyage à travers le temps dans tout ça. J'ai tenté de retenir certains noms, je dirais, les plus importants seraient peut-être beaucoup dire, pour certains oui, évidemment, alors que pour d'autres c'est peut-être plus, je dirais, marquant selon certains albums ou certaines pièces. Que ce soit subjectif ou non, c'est le choix que je vais vous présenter ce soir, donc vous ferez bien avec. Il y a aussi une nouveauté ce soir des Californiens d'Archaic avec leur cinquième album Nemencia. Plus tard dans l'émission, peut-être vers 20h, 20h15 dans ce coin-là. Je dis tout le temps ça, mais finalement, je respecte jamais vraiment l'horreur que je dis, donc vous verrez bien. Ainsi qu'une chronique cinéma. Et principalement cinématographique ce soir, légèrement série télévisée. C'était un week-end relativement pluvieux, donc à travers certains temps libres que j'ai eu, j'ai pu visionner certains nouveaux trucs. Je vous en parlerai tout à l'heure. Ce soir, je tiens à souligner quelque chose d'important. S'est commis, oui, dois-je dire commis, le 29 septembre dernier, donc il n'y a pas si longtemps que ça. C'était la 100e émission ou épisode ou appelez ça comme vous voulez, aventure de Subversion, le Metal Show, animé par mon ami DJ Tower of Death sur les ondes d'Underground Québec. Sans émission qu'il fait depuis, ma foi, je dirais que ça doit faire 2 ans que Tower a commencé à refaire de la radio. Lui qui était à l'époque du côté de l'Abitibi, je ne m'abuse, avec une émission qui était d'ordre radio communautaire. Il l'a fait pendant quelques années. Ben, plusieurs années après, les récidivait avec Subversion. Émission de musique subversive, bien sûr. Et je tiens à mentionner parce que c'est une émission qui a un concept assez original, dans le sens que notre ami DJ Tower of Death ne se donne pas de barème particulier ou ne s'étouffe pas dans des styles musicaux qui sont nécessairement associés la grande bannière du métal, mais il fait autant d'exploration de trucs progressifs des années 70, tel Yes, entre autres, Gentle Giant, Frank Zappa, autant qu'il va s'attaquer à des bandes beaucoup plus musclées dans le death metal, dans le trash, dans le punk, dans le crossover, dans le heavy metal traditionnel, dans le speed, et ainsi de suite. Bref, c'est une émission à découvrir pour ceux d'entre vous qui aimez... oui, c'est une émission qui est principalement métal, évidemment, mais qui voulait sortir un peu des sentiers battus. Subversion, c'est une émission qui est tous les vendredis à 18h30 sur Underground Québec. Vous pouvez la rattraper par la suite en balado-diffusion ou podcast sur SoundCloud. Et le 29 septembre, qui s'est souligné la 100e édition de Subversion, mais il y avait une excellente entrevue avec Michel Howe Langevin de Voivod, bien sûr, principalement de Voivod, mais aussi de autre chose, de Toe Cross aussi, les écorchés, je crois. Une très bonne entrevue pour l'intronisation en Angleterre pour le Awards de... Et j'oublie le terme précisément. Je suis certain qu'actuellement, Rockmaster m'écoute puis il dit « C'est ça, docteur, le nom. » Je t'entends pas, Rockmaster. Bref, c'était comme Visionary. Je crois que c'est comme ça. Un prix pour le groupe Visionnaire. Donc, c'est une belle reconnaissance pour Voivod qui, soit dit en passant, c'est la stricte vérité. C'est un groupe très visionnaire. Donc, c'était Michel Howe Langevin qui avait été désigné par le groupe pour aller en Angleterre recevoir le prix. Puis, par le fait même rencontrer de ses idoles du rock progressif des années 70, hein, tel Steve Hackett, entre autres. Donc, très belle entrevue que DJ The War of Death a réalisée avec Away, Michel Langevin de Voiva. Donc, 100e émission le 29 septembre dernier pour Subversion et pour mon ami Tower, DJ of Death. Félicitations. On poursuit musicalement. Ben non, en fait, je vais vous faire la nomenclature de ce qu'on vient d'entendre. Bien sûr, formation californienne, vous auriez probablement reconnu Metallica. Et que j'aime donc ça dire ça, Metallica. Je pense que je vais passer la soirée à dire Metallica, Metallica. Pff, n'importe quoi. Metallica et la pièce Battery, qu'on retrouvait sur leur troisième album, Master of Puppets, qui est paru le 21 février 1986 sous étiquette Elektra. Ben, moi, là, je peux vous dire que j'ai beau cracher les retours sur Metallica. Je dois dire que Master of Puppets est probablement pour moi le dernier bon album de la formation à l'époque où, Injustice for All, peut-être, pas tiré par par les cheveux un peu, là. Mais, à l'époque, Master of Puppets, le prédécesseur Ride the Lightning est le premier qui est la mort. À l'époque où ils pouvaient dire qu'ils faisaient du métal, c'est un bon album, je dois le dire. Juste avant, Pantera! Formation du Texas, défunte une formation, bien entendu. Et la pièce Strain Beyond Strain, qu'on retrouve sur leur septième album Far Beyond Driven, paru le 22 mars 1994 sur East West. Nous avons ouvert avec Mugadath. Oui, c'était bien Megadeth. C'est pas mieux, ça, hein? Megadeth, formation californienne, et la pièce Holy War de Punishment Due. On retrouve sur leur quatrième album, Rust in Peace, qui est paru en 90 sur Capitol. Un album qui a eu quand même passablement de succès. Pas nécessairement pour moi, parce que je suis pas vraiment fan de Megadeth. Mais par contre, je reconnais volontiers que c'est un groupe important au niveau du métal américain. On va poursuivre cette fois-ci avec les formations Anthrax, Metal Church et Exodus, mais ce tout de suite après cette délicieuse pause publicitaire. C'est fou, 89.1. Pour plus d'informations, visitez cfou.ca. Salut, moi c'est Alex. Tous les mardis à 21h, j'anime Matière Noire. T'aimes le métal progressif, mais t'as pas peur de plonger dans des styles plus obscurs? Cette émission-là est pour toi. Viens me rejoindre, c'est un rendez-vous. Besoin de parler, de vous confier, de partager? Télécoute Trois-Rivières vous tend l'oreille. Un service où l'écoute est prioritaire et se fait dans le plus grand respect. Télécoute Trois-Rivières, du lundi au jeudi, de 15 à 22h. Vendredi et samedi, de 18 à 22h. Et le dimanche, de 18 à 21h. Télécoute Trois-Rivières, parce que la vie est pleine d'émotions. Télécoute Trois-Rivières, 819-376-4242. Salut, ici Octoplot et on est très content de vous présenter notre deuxième album, Le Démon Normal. Et j'aimerais profiter de la tribune ici pour savoir si vous avez retrouvé mon sac à dos que j'ai égaré à l'université il y a 2 ans. Je soupçonne qu'il m'ait été volé et il y avait des souliers à l'intérieur. Alors, ne manquez pas Le Démon Normal, à suivre. Comme je disais, on va poursuivre avec la formation Anthrax, cette formation new-yorkaise qui a vu le jour en 1981. Donc, on peut les considérer comme étant des vétérans de cette scène métal. Une pièce que j'ai retirée de leur 8e album qui porte un nom tout à fait à propos, Volume 8, A Treat Is Real, Catharsis. Let's go! All these things I've been on there. words annoying usually. So you think you have me down, guess what, surprise, surprise. In the air I sense a fear and I see it in your eyes. What you say is what you choose, it's a game you're gonna lose. It's not a weapon you know how to use. Say what you will, it's not the truth, I've heard it all, I'm living proof. After all this time I'm bulletproof. Don't think that I'm not aware of all the things you've said. So damn cruel above it all, I'm grateful when you're dead. My mistake, I guess it's me, but I thought that we were friends. The color yellow fits you well, and the message that it sends. What you say is what you choose, it's a game you're gonna lose. It's not a weapon you know how to use. Say what you will, it's not the truth, I've heard it all, I'm living proof. After all this time I'm bulletproof. But I cross, I'm bulletproof. Demolition! 19h44, vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation des Undead Incorporated Show, et ce jusqu'à 21h. D'autres vétérans de la scène métal, Exodus, formation de la Californie, formation qui existe depuis 1979, qui a repris une pause entre 94 et 97, et une autre entre 98 et 2001, mais pour revenir quand même assez bien, dois-je le dire. C'était la pièce Raise, qu'on retrouvait sur leur 7e album paru le 4 octobre 2005, soit Shovel Headed Kill Machine, qui était sous étiquette Nuclear Blast. Album qui, ma foi, est assez bien, je dois dire, assez bien. Avec leur chanteur de l'époque, bien sûr, Rob Dukes, qui est parti après qu'on l'ait remercié pour faire revenir Monsieur Souza. Pour certains comme moi, c'est correct, là, parce que j'aime bien Souza, mais j'aimais bien Rob Dukes. Je trouvais qu'il faisait un très bon travail aussi avec eux. Ben, qu'est-ce que vous voulez, hein? Ça ennuyait du bon vieux temps, j'imagine. Juste avant, Metal Church de Washington. Une pièce qui est parue sur un album relativement récent. Ben non, 2013, c'est encore une vieillerie, ça. C'est paru le 22 octobre 2013 sur Rat Pack, soit Generation Nothing. C'était leur 10e, et la pièce d'ouverture Bulletproof. C'est un album que j'avais trouvé assez correct, je dois dire, dans le genre, lors de sa sortie, que je trouve encore assez correct dans le genre maintenant qu'il est sorti. moi, c'est un album correct. Ce qui est venu après, finalement, je me rappelle plus, je vais aller vérifier, c'est... ah oui, Eleven. Oui, qui était leur 11e, finalement. Eleven paru en 2016. C'est un album que j'ai trouvé relativement moyen. Et on a ouvert avec d'autres vétérans de cette scène métal, soit Anthrax de New York et une pièce tirée de Volume 8 de Trade Israel, leur 8e. Ah, c'est assez évident. Avec le titre, je veux dire, qui est paru le 21 juillet 98 sur Ignition Records, soit la pièce Catharsis. Très bonne pièce chantée par un que je regrette amèrement, c'est John Bush. Je trouvais qu'il faisait tellement un bon travail avec Anthrax, autant au niveau studio que spectacle. Ce gars-là était vraiment là, très, très, très parfait pour le groupe. On décide de ramener Joey Belladonna depuis un certain nombre d'années. J'ai vu les deux versions d'Anthrax, soit avec Belladonna et j'ai pas avec Neil Turbin bien sûr, mais avec Belladonna et John Bush. Et honnêtement, je trouvais que c'était Anthrax avait fait un très bon job avec Joey Belladonna, je dois le dire, mais avec John Bush, c'est beaucoup plus percutant, selon moi. Ben bon. Tourner avec Albert Saint, entre autres, et puis j'espère qu'il y a autant de plaisir qu'avec Anthrax, si c'était le cas. Ceci dit, les 19h47, j'ai quasiment le goût d'aller faire ma chronique cinéma tout de suite. Du moins, je vais en faire une petite partie, tiens, je vais la couper en deux. Bon, ce qui est à l'affiche actuellement en salle, ben, c'est la suite de Blade Runner. Oui, c'est effectivement une suite, hein. Faut pas ne pas confondre, c'est pas un spin-off, c'est pas un reboot. Non, pas du tout. C'est vraiment la suite de Blade Runner de Denis Villeneuve. Un cinéaste maintenant reconnu mondialement, mais c'est un gars de la rive sud ici de Trois-Rivières. Hein. C'est un gars qui vient je crois qu'il vient de Gentilly ou quelque chose du genre. Un gars qui a fait vraiment son chemin dans le monde de l'art cinématographique. Film qui met en vedette Ryan Gosling, Harrison Ford qui reprend son rôle du début des années 80, 81 ou 82, je crois, il me semble, ainsi que Jared Leto. J'ai une amie qui est allée le voir vendredi dernier à sa sortie, qui a beaucoup aimé, et elle a amené un comparatif que j'ai trouvé très intéressant. C'est que, tout comme à l'instar du premier Blade Runner, c'est très lent à décoller, hein. Faut pas s'attendre à voir un film là qui c'est de l'action mur à mur, ça se tire partout, puis il y a des effets à n'en plus finir. Non, le film Blade Runner, l'original, est un film qui est très axé sur la psychologie des personnages et des androïdes, bien sûr. Et semble-t-il que la suite l'est aussi, mais que c'est très bon. Mais en discutant avec elle, semble-t-il que ça serait peut-être un film pour les initiés aussi. C'est à suivre. Film que j'ai écouté la semaine dernière, si je ne m'abuse, c'est possiblement le mercredi ou jeudi dernier, je ne sais plus trop. Un film d'action, film connotation criminelle d'action, qui met en vedette Jamie Foxx, Michelle Monaghan et Dermot Mulroney, qu'on voit beaucoup moins qu'avant. Hein. Rappelez-vous de lui dans Young Guns. Steve Lacrasse, c'était lui. Sleepless, je parle de Sleepless, qui est un film de Baran Bohadar et qui raconte l'histoire de Vincent Downs, qui est un policier infiltré depuis 2 ans pour mettre à jour un réseau, si on veut, là, de trafic de cocaïne. Il est mêlé malgré lui dans une espèce de d'entourloupe bizarroïde avec le directeur d'un casino à Las Vegas qui est très véreux, qui est joué par Dermot Mulroney. Ben, c'est bon. C'est un bon film d'action. Jamie Foxx, c'est pas sûrement mon meilleur acteur. Il a fait des trucs intéressants, mais dans le genre action criminelle ou film à connotation criminelle et action, ou une action, ben quoi, il y a de l'action pas mal criminelle là-dedans. C'est un film qui se défend très bien, Sleepless. Là, je tombe dans des choses, par contre, qui, je pense que je vais y aller avec celui qui m'a paru être le moins pire. Ouais, définitivement. Celui qui m'a paru être le moins pire, c'est Spider-Man Homecoming. J'ai fait une erreur. Si vous allez sur le site de réanimationad.com, vous allez voir, j'ai marqué 2015. C'est faux, c'est 2017. Je vais corriger ça d'ici Noël prochain. Un film d'aventure, d'action, un film de Marvel, bien sûr, qui met en vedette Tom Holland, Robert Downey Jr. et heureusement, ainsi que Michael Keaton, qui est pas si mal. Il est pas si mal dans ce rôle-là. Mais moi, Tom Holland, en tant que Spider-Man, c'est ça. Ben écoutez, moi j'ai trouvé que le film Ben, ça fait trois fois depuis les 15 dernières années qu'on refait des reboots de Spider-Man, qu'on décide, après la trilogie que Sam Raimi avait fait avec Tobey Maguire, que moi j'avais bien apprécié. Il y en a plusieurs qui l'ont décrié. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment très bon. Ben, on en a fait deux autres avec des Amazing Spider-Man 1 et 2. Dont le dernier était il y a deux ans, si je ne m'abuse. Ou quelque chose du genre, faudrait que je vérifie. Ça ne me dit pas de vérifier, oui. Et là, on reprend encore avec un nouvel acteur qui interprète un Peter Parker qui, cette fois-ci, est sur le bord d'avoir quitté le fait de jouer avec ses petites voitures. Là. Très jeune, très ado, comportement très ado aussi. Alors que moi, ce que j'aimais de Spider-Man, c'est que oui, Peter Parker, c'est un jeune, mais c'est quelqu'un qui a une certaine tête sur les épaules, alors que lui, ben, il était un peu bizarroïde. Mais c'est complètement dénaturé. Hein. Faut pas s'attendre à voir quelque chose qui a rapport avec le Spider-Man que vous connaissez. Pas du tout. Et c'est ce qui m'a vraiment déçu. Principalement parce que on refait encore l'histoire de Spider-Man. On la redéfait, on la retricote, on la détricote. C'est un super-héros auquel on s'attaque inutilement, je dois dire. Je pense qu'on devrait vraiment enterrer l'histoire de Spider-Man avec ce film-là. Et j'ose espérer qu'ils veulent pas en faire une suite. Quoi qu'il y ait eu quand même de bonnes recettes au box-office. Plus de 600 millions mondialement, là. Semble-t-il que la Chine est beaucoup aidée dans ces recettes mondiales. C'est divertissant. Au niveau cinématographique, c'est divertissant, mais faut pas aller plus loin parce que ça peut être très décevant. Et pour moi, je l'ai trouvé décevant. Autre truc que j'ai trouvé aussi décevante, c'est The Dark Tower. Par contre, je mets une bémol ici. Mais ce qu'il faut savoir que The Dark Tower, c'est un film de science-fiction fantastique. C'est fantastiquement plein de science-fiction aussi. Qui est extrait des 8 livres écrits sous une période, sous une période de 40 ans, de Stephen King, The Dark Tower, qui raconte, c'est un monde parallèle, si on veut, cette tour noire protège l'univers de différents assaillants, dont le sorcier Walter, qui est joué par Matthew McConaughey, qui habituellement est un gars que j'aime bien dans ses rôles, mais ici j'ai trouvé très dilué, très très fade. Et qui, en fait, c'est probablement le premier tome, j'imagine, de cette conversion cinématographique des romans Stephen King. J'ai trouvé que c'était un peu dur, mais dur à suivre. C'est décousu, on sait pas trop où ce qu'on veut s'en aller. C'est le pistolero Roland de Gilead qui est lancé sur les traces de Walter Patrick, qui est l'homme en noir, qui est le fameux sorcier, qui est assoiffé de vengeance. Ce Roland doit par ailleurs protéger la mythique tour sombre qui protège l'univers des assaillants tels ce fameux Walter Patrick. C'est un peu n'importe quoi. J'ai pas vraiment aimé, j'ai vraiment pas le goût de le revoir non plus. Il y a des films auxquels je me dis, ouais, c'était décevant, mais je vais leur laisser une deuxième chance d'ici quelques mois. Mais lui, il faudrait vraiment qu'il me prenne une grosse envie là, de vouloir donner vraiment une deuxième chance, parce que honnêtement, j'ai été assez déçu. Mais le pire des pires, c'est vraiment une chance que j'ai prise, là. Un film espagnol, je me suis dit, des fois, il y a des trucs espagnols qui sont pas mal. Faut pas... C'est pas parce que c'est pas américain ou britannique que c'est pas bon. Non, je voulais avoir... J'ai l'ouverture d'esprit au niveau du cinéma, peut-être plus qu'en musique même. C'est le film The Fury of a Passionate Man. C'est bien sûr le titre, mais anglophone, bien sûr, parce que en espagnol, je me rappelle pas du tout. Mais évidemment, le film n'est pas en espagnol. C'est un film de Raúl Arévalo qui raconte l'histoire d'un homme qui attend 8 ans pour se venger d'un crime dont tout le monde a oublié. Moi, ma chronique a été très, très expéditive, très courte et surtout très peu loquace. Très plate, voilà, c'est ce que j'en ai dit, c'est très plate. Je me suis même tanné avant la moitié, tellement c'était épouvantablement endormant et sans intérêt, ce film The Fury of a Passionate Man. Par contre, j'avais une petite chronique qui était pour les séries télévisées. Évidemment, ayant terminé la première saison de The Last Kingdom, je me suis attaqué, pas plus tard qu'hier, à part ça, à la deuxième saison de The Last Kingdom, qui est une saison signée 2017, de Stephen Butchart, qui met en vedette Alexander Drummond. Replacez-vous dans American Horror Story, dans la série Freak Show. Voilà, il joue le rôle d'un d'un fils à maman qui est très, mais vraiment très exécrable. The Last Kingdom, ben, c'est les aventures d'Utrek, ce fameux Saxon adopté par les Danois qui veut reconquérir ce qui lui est dû en Angleterre, dans le royaume de Wessex, et qui a une dualité entre son peuple adoptif, dont son père adoptif a été tué sous ses yeux par un Danois de son propre clan d'ailleurs, c'est toute une trahison finalement, et qui tantôt devra combattre avec les Saxons pour atteindre son but, et tantôt faire des alliances avec les Danois pour atteindre aussi son but. Première saison, je l'avais trouvée très divertissante. J'en suis rendu au cinquième épisode de la deuxième saison et celle-là est vraiment très très bonne. C'est même une coche au-dessus de la première qui était déjà bien. Donc, je pourrais vous donner la conclusion de cette deuxième série la semaine prochaine. Je vous avais dit la semaine dernière, selon ce que Horace m'avait dit, que... Ouais, exactement, c'est ça. Oui, oui, on devait écouter La Planète des Singes, la bataille de La Planète des Singes, mais ça n'a pas donné. À la place, j'ai écouté... Amazing, pas Amazing Spider-Man, mais Spider-Man Homecoming, j'aurais pas dû faire ça. La semaine prochaine, je vais vous parler de Planète des Singes. J'espère que tu es d'accord avec ça, Horace, toi, là. Oui, excellent. Merveilleux. Merci beaucoup. Oui, je t'ai entendu. On va l'écouter, je te le promets. On va poursuivre musicalement après cette pause publicitaire. Vous êtes assez fou. 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Du lundi au vendredi, Mathieu Plante, Tania Beaudin et leurs collaborateurs sortent l'artillerie lourde. Science, sport, vocabulaire, voyage, politique, télé, actualité. Littérature, improvisation, malbouffe, publicité, société. Assemblage requis, c'est une émission bâtie pour durer. Assemblage requis, du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Édition week-end, les dimanches à 15h. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Besoin de parler, de vous confier, de partager. Télécoute Trois-Rivières. Du lundi au jeudi de 15 à 22h. Vendredi et samedi de 18 à 22h. Et dimanche de 18 à 21h. Parce que la vie est pleine d'émotions. Télécoute Trois-Rivières. 819-376-4242. Cet automne, à la Maison de la Culture de Trois-Rivières. François Bellefeuille essaye des nouvelles affaires en rodage les 11 et 12 octobre. Philippe Laprise présente son projet Entre deux shows les 19 et 20 octobre. Et Juste pour rire offre des 5 à 7 à la fois drôles et intimes les 12 et 26 octobre ainsi que le 30 novembre. Pour la programmation complète, consultez onspectacle.ca. Une présentation de Cogeco. Vous êtes assez fou. 89.1, Trois-Rivières. Vous êtes assez fou. À Trois-Rivières, c'est 89.1. On va poursuivre avec la formation californienne Death Angel et la pièce Left 4 Dead, pièce d'ouverture de ce 17e album, pardon, de Dream Calls for Blood. Let's go! Heartless the way you bled.

20h14. Vous êtes à réanimation des Undead Incorporated Show sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM pour encore presque 45 minutes. Bien entendu, la formation de Virginie, Lamb of God. Lamb of God, oui, oui, une formation qui a déjà donné dans du metalcore. La pièce Anthropoid qui est tirée de Seven Storm on Drang, leur septième album paru en 2015 sur Nuclear Blast. Et si je ne m'abuse, c'est aussi le dernier en liste, effectivement. Formation que je voulais souligner ce soir en tant que groupe américain important parce que ben oui, il était important pour les amateurs de metalcore, ça c'est évident. Mais pour les amateurs de métal sans le core dont je suis, c'est devenu beaucoup plus intéressant justement avec cet album-là, leur septième Storm on Drang, qui est paru le 24 juillet 2015, voilà, sur Nuclear Blast. Justement, nous avions, je pense que c'est pas tellement dur de les reconnaître, on parle de Testament, ici, formation Trash du Bay Area de Californie. La pièce The Pale King, qui est tirée de l'album Brotherhood of the Snake, paru le 28 octobre 2016, leur 12e et aussi leur dernier en liste à 7h à cette date. Formation qu'on peut considérer facilement aussi comme étant des pionniers pour le moins du trash metal. La formation existe depuis 1983 sous le nom de Legacy pour en 86 prendre un nom définitivement de Testament. Formation que j'ai vue aussi en spectacle seulement une seule fois et je dois dire que c'est... moi j'ai pas été très emballé là. J'ai trouvé que Chuck Billy était un peu clownesque avec son petit cette petite section de pied de micro là qui fait du air guitar dessus là constamment, je trouvais ça un peu clown. Par contre, c'est assez musicalement parlant, c'est assez fidèle de ce qu'ils font. On a ouvert le bloc avec Death Angel. Death Angel, c'est assez simple. Ça aussi, c'est des pionniers qui existent depuis... en fait, la formation sous le nom de The Organization s'est produite. A débuté en 82. Ont changé pour le nom de Death Angel, évidemment, avec The Ultra Violence, qui est paru en 1987. Une formation qui, ma foi, est toujours restée un petit peu underdog, doit-on le dire, oui, mais qui a toujours réussi à faire sa marque quand même dans cette jungle qui est celle du métal. La pièce étant Left 4 Dead, tirée de un des albums que je préfère définitivement, soit leur septième de Dream Calls for Blood, qui est paru le 11 octobre 2013. The Dreams Call for Blood, c'est l'avant-dernier album qui est paru juste avant celui de 2016, qui est The Evil Divide, qui lui aussi est fort correct, mais j'ai un petit penchant pour ce septième qui est The Dream Calls for Blood, qui soit dit en passant, c'est pas énormément d'albums hein, quand on regarde ça là pour depuis tout le temps que le groupe existe là. Ben, je suppose que ils font comme bien d'autres, hein. C'est pas faire des albums en studio qui maintenant fait vivre son groupe, c'est bien les tournées. Et des fois de moins en moins. Tournées marchandises, mais comme on sait que les promoteurs pigent beaucoup dans le panier des recettes de ce qui pourrait être avantageux pour ces groupes-là au niveau de la marchandise des tournées, ben peut-être moins évident, peut-être moins stimulant aussi. La semaine prochaine. Je vais vous présenter. On l'a déjà fait une brève incursion dedans avec ce qui était disponible à cette époque-là. Mais qui l'est vraiment là, beaucoup plus facilement maintenant. Je parle du deuxième album de la formation allemande, Matt, et l'album Monuments Will Enslave, qui est paru en mars dernier. C'était pas évident à le trouver. J'avais réussi à trouver une pièce ou deux, distribution assez particulière, où je cherchais pas aux bons endroits, je sais pas, mais je n'arriverais pas à mettre la main dessus. Mais là, finalement, j'ai réussi. Et je vais vous en parler la semaine prochaine parce que c'est un album qui vaut le détour dans le death metal, bien entendu. Poursuivons musicalement cette fois-ci avec une formation qui n'est pas ma meilleure, non. Qui par contre, je dois dire, qui est très importante dans le mouvement death metal, formation floridienne qui a eu une certaine pause de quelques années. Je parle d'Obituary. Il y a quelques bons albums. Personnellement, en fait, j'en parlerai plus tout à l'heure, là, mais il y a de bons trucs d'Obituary. Il y en a de plus ordinaires. Mais je vous propose une pièce qui est tirée de leur septième album paru en 2007, Executioner's Return, soit Drop Dead. Go!

20h34. Avant la pause publicitaire, inutile de présenter, c'était Slayer, bien sûr, de Californie, et la pièce Necrophiliac, tirée du très bon et deuxième album Hell Awaits, paru en mars 85 sous étiquette Metal Blade. Juste avant, nous avions une formation dont on ne peut pas, évidemment, comment je pourrais dire, on ne peut pas passer sous silence, formation Death de la Floride, et de la pièce Open Casket qu'on trouve sur Leprosy, le deuxième album de la formation paru le 16 novembre 88 sur Combat. Death est définitivement très très important dans l'histoire du métal, puisque on leur attribue souvent d'avoir popularisé le mouvement Death Metal, possiblement de là leur nom, et d'avoir pris un tournant vers les derniers albums. Individual True Patterns, c'est pas mal, commence à démarquer là, une tournant vers le progressif. Et The Sound of Perseverance, le dernier de 98, est définitivement un album de métal progressif très innovateur et audacieux. On a ouvert avec Obituary, une autre formation de Floride. Un bassin très important pour l'époque, pour ce style musical. Formation qui donne dans ce qu'on appelle aujourd'hui old school death metal. La pièce Drop Dead, tirée de leur 7e album, Executioner's Return, paru le 27 août 2006 sur Candlelight. On attribue souvent à Obituary d'avoir mis en avant-scène un des vocales les plus, comment pourrais-je dire, distinct et souvent plus apprécié du mouvement death metal, celui de John Tardy. Vocal qui était très particulier, je dois le dire, et très original. Qui, encore aujourd'hui, je dois avouer qu'il y a certaines choses que je lui reconnais encore facilement à ce John Tardy et à Obituary. C'est l'heure maintenant de passer la nouveauté de cette semaine, qui est une formation qui vient de Californie, Riverside, California, si vous préférez, aux États-Unis, bien sûr. Archaic, une formation de technical death metal qui en est à son 5e album, Nemensia, qui est paru le 29 septembre dernier sur Unique Leader Records. Comme je l'ai dit il y a quelques émissions, cette étiquette-là ou label, Unique Leader Records, commence à prendre de plus en plus d'importance. Généralement, c'est des trucs assez intéressants qu'ils ont. Archaic, c'est une formation qui existe depuis 2004. Il s'agit de... Ben, en fait, c'est un quintet, mais il n'y a que deux noms officiellement qui apparaissent dans le groupe, soit Jared Christensen, au vocal, et Greg Paulson à la guitare, qui n'est là que depuis 2014. Mais dans les faits, je suppose qu'ils doivent prendre des musiciens pour au moins les spectacles. Hein. Ceci dit, je vais vous faire découvrir deux pièces qui sont tirées de ce Nemensia, le 5e album. On va entendre Occultivation, qui est la pièce d'ouverture de l'album, ainsi que Order of Uragorn. Archaic, let's go! 20h53, l'émission s'achève. On vient d'entendre la formation californienne Archaic. Il y a un extrait de leur cinquième album, Nemenchia, pardon, qui est paru le 29 septembre dernier sur Unique Leader Records. Entendu la pièce à l'instant, Order of Yaragorn, ainsi que la première pièce d'ouverture de l'album, soit Occultivation, formation qui donne dans un technical death metal, vous avez cru le remarquer, je présume, mais qui est à la fois assez original et par moments, on a l'impression qu'il y a une certaine influence de musique classique qui vient s'entrelacer dans tout ça. Là, j'ai trouvé ça fort intéressant. N'oubliez pas que ce vendredi dès 11h, ici même à Cifou 89.1 FM, cifou.ca, c'est l'émission rock classique pour les véritables et les vrais amateurs de vrai rock, avec mon ami le rockmaster Alain Lefebvre, qui cette semaine fera cavalier seul. Alain vous présentera encore toutes sortes de choses qui sont plus ou moins intéressantes là, surtout quand il est seul. Ben non, c'est une blague! Et il va vous présenter ses segments habituels, les albums classiques, obscurs, ainsi qu'une programmation tout à fait farfelue et éclectique. Rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock, ce vendredi dès 11h jusqu'à 17h. Ainsi que notre ami, dont j'ai parlé en début d'émission, DJ Tower of Death et sa subversive Subversion. Émission consacrée à... le métal, oui, mais autre chose aussi, rock, progressif, plus classique, ainsi de suite. Tous les vendredis, 18h30 sur Underground Québec, et vous retrouvez les podcasts ou balado-diffusion sur SoundCloud, ainsi que le portail, le blog de notre ami Sinistros, qui nous fait des chroniques sur toutes sortes de choses, principalement le cinéma, les séries et la musique, métal, rock, et ainsi de suite, alternative et industrielle. On va se quitter avant que les gens matièrement n'arrivent sur peut-être au moins une des deux pièces que j'avais programmées. N'oublions pas que dans les groupes qui furent importants aussi au niveau des groupes américains, il y en a Possess, bien sûr, Fear Factory, Cannibal Corpse, Immolation. Je vous propose de se quitter sur une pièce de Morbid Angel, Eyes to See, Ears to Hear, tiré de Domination, leur cinquième, paru le 9 mai 95 sur Erake, et peut-être une portion de Suffocation, de New York, Cataclysmic Purification, tiré de leur sixième, Blood Oath, qui est paru le 3 juillet 2009 sur Nuclear Blast. Et peut-être que la semaine prochaine, je ferai une conclusion avec ce que je n'ai pu diffuser. Donc, d'ici là, allez tous vous faire foutre et soyez les nôtres mardi prochain de 19h pour une autre succulente et délicieuse émission de réanimation. Allez tous vous faire foutre. Go!